T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff, liftoff. Gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. We are as monsters. Yeah, let's see. Nord au sud, est en ouest, ouais. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, allez directement maintenant. Eh oui, bonjour à toutes, bonjour à tous, Planète Indie, ça commence maintenant. C'est l'épisode numéro 427. Mon Dieu, que le temps passe vite, très vite, trop vite. Je ne me souviens pas du tout premier épisode de Planète Indie, c'était pas sur RGL, c'était sur une autre radio. Je vous avoue que je ne me souviens pas de la première émission Planète Indie, mais je me souviens de ma toute première émission à la radio, c'était sur une radio universitaire en Belgique. Ça, je m'en souviens, je crois que je m'en souviendrai toute ma vie. Je me souviens même du premier morceau que j'ai passé à l'époque, c'était Dust in the Wind par le groupe Kansas. Premier morceau que j'ai annoncé à l'époque à la radio, ça ne nous rajeunit pas. Bon, c'était pas au moment de sa sortie, hein, je vous rassure. Mais bon, quand même, c'était il y a quelques années de cela. Allez, ne soyons pas trop nostalgiques, on va essayer de vous brancher sur le meilleur de la musique indépendante, le meilleur de la musique actuelle. En tout cas, de la musique que vous n'entendrez pratiquement nulle part ailleurs. En tout cas, si vous l'entendez ailleurs, eh bien, c'est que c'est une autre très bonne émission. Au programme de ce jour, on ira aussi faire un tour dans le monde de la BD, comme je vous annonçais le mois dernier, ça devient de plus en plus chaud pour avoir du matériel, donc je ne sais pas combien de temps je vais encore tenir avec mes chroniques BD, mais on va tenir en tout cas le premier trimestre 2021. On ira faire un tour sur notre album Powerplay, ça c'est pour dans quelques minutes, et je vous propose de commencer cette émission avec un groupe qu'on n'a encore jamais entendu sur cette émission. Je pense que ça n'a jamais encore été entendu sur RGL et peut-être même au Grand-Duché de Luxembourg, jamais entendu. C'est un groupe néerlandais, il s'appelle Rotjoch. Je pense que je prononce à peu près comme il faut, Rotjoch. Et le chanteur, bah, il se plaint d'être le seul garçon solitaire dans la ville. The only lonely boy in town. C'est Rotjoch. Et puis après, on écoutera un extrait du... La dernière, je pense, oui, c'est un album, on peut dire que c'est un album, il y a 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 morceaux, oui, c'est un album de Michael Ward with Dogs and Fishes, son album s'appelle Blind Spot, et ben on écoutera Blind Spot, vous donne en mille. Voilà, bienvenue, restez avec nous, nous sommes ensemble jusqu'à 18h30, c'est le meilleur de la musique indépendante, le meilleur de la musique alternative, c'est Planète Indie, bien entendu, comme chaque premier samedi du mois entre 17h et 18h30. I'm afraid of right now. You sound a little clue. I think they call it a blind spot. And I carry it everywhere. My resident mystery, my indelible, follow me. If I thought to care, I think I call it a blind spot. That feeling shadows me wherever I go. I think I call it a blind spot. And I carry it everywhere. My resident mystery, my indelible, follow me. And if I thought to care, I think I call it a blind spot. Freedom fighter, freedom fighter, freedom fighter, freedom fighter. On est dans la séquence des plages titulaires. Hein. Avant cela, c'était Michael Ward with Dogs and Fishes avec la plage titulaire de son album Blind Spot, donc le morceau Blind Spot, et à l'instant, les Refusers. Un nom à connotation quand même négative. Hein. On pourrait traduire ça par ceux qui refusent par principe. The Refusers avec Freedom Fighter, c'est la plage titulaire de leur album Freedom Fighter. C'est assez logique en ce qui concerne les plages titulaires. D'ici quelques minutes, eh bien, nous allons partir à la découverte de notre album Powerplay, comme vous en avez l'habitude. Et puis pour les nouveaux qui nous rejoignent, eh bien, on met chaque mois à l'honneur un artiste et un album. On va un peu plonger et découvrir la vie du groupe, de l'artiste, ses influences ou leurs influences. Et puis on écoute trois extraits au cours de cette émission. Aujourd'hui, eh bien, on va aller du côté des États-Unis. Voilà, on a voyagé pas mal ces derniers temps. On a été, je me souviens bien, en Suède. On a été dans d'autres pays un peu plus exotiques, dira-t-on. Là, on va aller dans un pays qui est un berceau de la musique contemporaine. Donc, on ira aux États-Unis. Avant cela, eh bien, on va faire une petite introduction avec Giovanni Zorzi. C'est un ami de Robert Buczynski. Il a produit, je pense, l'un ou l'autre de ses albums ou de ses morceaux. Et peut-être même, il a même joué peut-être sur son album, en tout cas sur son dernier album. Et là, bah, il nous propose quelque chose en solo. Et on écoute le morceau That Girl, Giovanni Zorzi. Malgré son nom, eh bien, il habite en Nouvelle-Angleterre, du côté de Boston. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'Italiens à Boston. Je me souviens quand j'y avais été, je fais une petite digression, là, on avait été se promener aussi du côté du quartier italien à Boston. Et il y avait une de ces odeurs de pâtisserie dans tout le quartier. Ça sentait bon, mes amis. Je ne vous dis que ça. Voilà, c'est un morceau instrumental par, je vous le rappelle, son nom, Giovanni Zorzi. Un morceau intitulé That Girl. 17h19 minutes, que vous nous écoutiez le samedi ou le dimanche, il sera 17h19 minutes, puisque cette émission sera rediffusée aussi demain entre 17h et 18h30, donc aux mêmes heures que le live, toujours sur cette même fréquence. Et puis j'en profite pour vous signaler que vous pouvez aussi nous retrouver sur l'offre des postes, je pense, oui, c'est ça. Ainsi que normalement chez Proximus et vous en Belgique, l'offre câblée. Et puis, bien entendu, aussi via l'internet, via les sites de RGL et le site de Planet Indie, www.ilovemusic.ga. Nous sommes aussi sur Facebook, donc n'hésitez pas à rejoindre notre petit groupe. On est à peu près 200, c'est pas mal, hein, 200, et il y a beaucoup d'artistes. Que vous entendez dans l'émission, donc si vous les aimez, bah, pourquoi pas entrer directement en contact avec eux, ça leur fera très plaisir, j'en suis sûr. Pour l'heure, eh bien, nous allons sur notre album Powerplay, et le Powerplay de ce jour nous emmène dans le Pacific Northwest, à savoir la région nord-ouest des États-Unis, et plus précisément à Seattle, où on va faire connaissance avec Joy Mills et ses acolytes qui forment le Joy Mills Band. Jusque-là, ça reste tout ce qu'il y a de plus logique. On ne peut pas dire non plus qu'ils se sont trop creusé la tête pour le nom de leur groupe. Hein. Joy Mills, elle a fait le Joy Mills Band. Bon, bah, pourquoi pas. Ce groupe existe depuis plusieurs années, depuis 2011 très exactement. Et Echolocator, c'est le titre de cet album, est déjà leur cinquième. Une approche superficielle nous conduirait à classifier ce groupe sous l'étiquette de Modern Country, mais à y regarder de plus près, on y trouve aussi des considérations nous amenant dans des univers roots, pop alternative, mais aussi rock, rock progressif ou encore folk. Le groupe se compose donc de Tom Parker à la basse, Lucien Lamotte à la guitare, Mike McDermott aux percussions, Jack Quick au clavier et bien évidemment Joy Mills avec sa voix éthérée et aérienne d'alto au chant. Et bien partons dès lors sans plus attendre à l'assaut de cet opus avec un premier extrait qui s'intitule Stuck in a Rut, Joy Mills Band comme Powerplay aujourd'hui dans Planet Indie. Powerplay. Powerplay. Right, sad. middle of the night, I couldn't go to sleep. These thoughts were spinning back about a decade deep. Flashes of you came flooding my mind. Shadowy images hard to define. The vast space between a distant dream and then a quick kiss left me reeling. Then she walked up to you with that sweet embrace, that perfect hair and stoic look upon your face. Heart breaking all over again, and I knew this last chapter had come to an end. Looking life right in the eye. Looking life right in the eye. So much resistance, but life has a plan. Beneath our feet we were sinking in sand. But the senses were heightened, there was no turning back. But I knew deep inside I was on the right track. A pound of regret mixed with an ounce of song. I sang like a hummingbird till my heart mended strong. There were hills to scale, there were mountains to climb. It's so easy to blame, and it's never black and white most of the time. Separation is only in our minds. Looking life right in the eye. Around the sun, we both knew at first glance this wasn't our first run. You flew to me on that mystic night, a familiar tune, a sacred flight. I want to travel to far off lands, I want to help heal this world so ignorance can end. You said, come with me, take my hand. My heart is broken, but our love can mend. I said, let's be real, I don't want to pretend. There are hearts breaking and bullets flying, so let's just take it higher one day at a time. Looking life right in the eye. Aussi une très très belle voix, elle s'appelle Brooke Benson, nous interprétait le morceau In The Eye. Avant cela c'était la voix éthérée et aérienne, comme je l'ai dit tout à l'heure, de Joy Mills avec son groupe le Joy Mills Band, un morceau intitulé Stuck In A Rut. C'est notre powerplay aujourd'hui dans Planet Indie avec l'album Echo ou Echo Locator. Avant de poursuivre, et si vous êtes un peu comme moi frustré de musique live et de concerts, eh bien, la Rockal est heureuse d'annoncer le lancement de Because Music Matters, parce que la musique compte, une série de 5 concerts en hommage à la musique live, justement. Ces concerts suivront donc un très strict protocole sanitaire, avec un suivi et un tracking du public. Ce sera 5 concerts avec des artistes locaux. Il y aura les groupes Cleveland, bon ça fait pas très local, mais apparemment c'est un groupe régional, là, un groupe luxembourgeois. C'est Karma et Francis of Delirium, Fusion Bomb, Claire Parsons et Klein. Ces concerts donc auront lieu au club de la Rockal devant un public assis de pas plus de 100 personnes. Il y aura une scène à 360 degrés qui permettra de voir une vue unique et une connexion assez proche entre les artistes et leur public. Au menu de ces 5 concerts, une expérience unique et intime destinée à éveiller, on va dire, les sens des amoureux de la musique qui vont se rassembler donc pour partager l'énergie, l'émotion, la sincérité et la mélodie. Tout cela devant donc un concert en public. En plus, en ce qui concerne donc les mesures sanitaires, en plus donc des mesures sanitaires actuellement en place, qui incluent notamment la distanciation sociale et le port obligatoire d'un masque, l'achat donc de ces concerts, d'un ticket pour ces concerts Because Music Matters sera soumis à l'accord des... Enfin, les gens qui achètent ces tickets devront accepter de se mettre à un test Covid gratuit avant chaque concert et aussi 7 jours après. Ce processus a été mis en place donc pour suivre de près, pour permettre aux autorités sanitaires de suivre de près la situation et de voir comment il serait possible de réinstaurer des concerts en public en cette période un peu troublée. Pour en savoir plus, eh bien, n'hésitez pas à aller sur le site de la Rocale. Ça s'appelle Because Music Matters. Il y a 6 dates. Ça commence le 10 février, 11, 12, 13, 14. 6 dates, je vous dis 1, 2, 3, 4, 5. 5 dates, pardon, 5 dates. Oui, parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait 5 concerts. Voilà, sur le site de la Rocale, www.rocale.lu. Apparemment, il y a encore des tickets, donc n'hésitez pas. Je vais peut-être d'ailleurs moi-même aussi regarder à ça de plus près pour aller voir un de ces groupes. Pour l'heure, eh bien, on poursuit en musique avec le groupe Art Noir et Thorn and Lilies. Thank you. have the gun, you have the gun, you shot me again one more time. I will stand up, and every rose boy again. That grandma got me down to my heart and run. It's true. So true, like a sun start to rise. True, so true, like night comes Hey, this is Larry from Promise Lab, and you're listening to Planet Indie. Hi, this is Mike from A is for Adam, and you're listening to Planet Indie. Bonjour, c'est Donivic de la Scarlet Blonde, et vous écoutez Planet Indie. I've been to heaven, I've been to hell. Such a small step from Vegas to Heartbreak Hotel. Thought you loved me, guess I was blind. There was a time when you were always on my mind, but that's past tense. I guess that I am finally seeing sense, 'cause I am moving on, still I'm standing tall. It's really no big deal, I'm not missing you at all. Things are looking up after rain comes shine. I am doing fine. Bumblebees don't fly, and now this is a lie. I loved you tender, you didn't care. Your pushover, your teddy bear. Return to sender, no more replies. I won't be fooled no more by devils in disguise. It's sad but true, I'm better off a long, long way from you. 'Cause I am moving on, still I'm standing tall. I'm not missing you at all. Things are looking up after rain comes shine. I am doing fine. Bumblebees don't fly, and never is it alive. It's not easy to be clever when your heart is all shook up. I guess it's now or never. I'll give you up. I have to let you go. Looking up, and after rain comes shine, I am doing fine. Nous avons donc écouté successivement Art Noir avec Thorn and Lilies. On reste dans le domaine des fleurs avec One Ray, All the Roses Are Dead. Et à l'instant, on reste dans le domaine de la mort, mais oui et non. Martin Schaub avec Elvis Is Alive. Elvis est toujours vivant. Cette séquence, elle est née un peu inconsciemment dans mon esprit quand j'ai préparé cette émission. Je n'avais pas planifié cette séquence et puis ça apparaît comme ça à ce moment-ci. C'est assez sympa. Je reviens un petit instant sur la série de concerts que je vous annonçais, la série Because Music Matters, en vous disant qu'il y avait encore des places. Il en reste encore, mais pas pour tous les concerts. Il en reste pour Cleveland et pour le concert du dimanche soir. Les groupes de Sincerity, C'est Karma et Francis of Delirium. Donc, si ça vous intéresse, dépêchez-vous parce que ça part assez vite. Et pour les autres, vous pouvez vous inscrire sur une liste et vous êtes prévenu s'il y a des désistements ou des places qui se libèrent. Et puis, quand vous achetez une place, vous en avez automatiquement une deuxième. Donc, le prix qui est indiqué sur le site d'enregistrement, eh bien, c'est le prix pour deux places et pas pour une seule place. Voilà, comme ça, j'étais totalement clair, je pense, et totalement complet. En tout cas, 17h46, retour sur notre album Powerplay, l'album Echolocator de Joy Mills Band. Eh bien, lorsqu'on écoute cet album, sans connaître le groupe, on est en droit de se poser la question de savoir si on est retourné dans les années 70, car c'est vrai que par moments on se croirait sur un album de Fleetwood Mac à écouter Stevie Nicks ou Lindsey Buckingham chanter. L'aventure de Joy Mills ne remonte évidemment pas si loin. Avant de se lancer dans son groupe actuel, Joy Mills était la figure de proue du groupe The Starlings entre 2005 et 2010. C'est en voulant en élargir les frontières qu'elle a mis sur pied le Joy Mills Band afin d'incorporer les influences plus variées que l'on y trouve actuellement, et qui incorporent des éléments de rock et de rock du début de l'époque rock et de country. De plus, Joy Mills et Tom Parker, vous savez, le bassiste dont on parlait tout à l'heure, se produisent aussi en formule duo acoustique. Tant en solo qu'avec les Starlings, Joy Mills a fait l'objet de nombreuses critiques, de classements dans des différents charts, et a aussi partagé la scène avec des artistes tels que Todd Snyder, Diavet Brothers, Fred Eaglesmith, les Wood Brothers ou Eileen Jewell, tout en n'oubliant pas de faire les chœurs pour Zoé Mutt notamment. Je vous ai mis une vidéo, la vidéo, puisqu'on était aujourd'hui, c'est l'émission des plages titulaires, donc je vous ai mis la vidéo du morceau Echolocator, la plage titulaire donc de cet album, sur notre groupe Facebook. Donc vous tapez Planet Indie dans Facebook, vous demandez à rejoindre le groupe et vous avez droit accès à toutes les ressources qui s'y trouvent. Je vous ai mis donc cette vidéo sur notre groupe, mais nous on va écouter un morceau qui s'appelle The Peace of Things, extrait donc de notre Powerplay aujourd'hui dans Planète Indie. Powerplay. Powerplay. Constantly living in a world I call a feeling like I can't go out alone. In this world I live in, I'm not safe in my own home. With every breath I take, gonna let go of the fearless girl I used to be. And I'm not gonna lay down and watch this world take over me. I'm not gonna let go of the fearless girl I used to be belle voix, une voix aérienne un peu comme celle de Joy Mills dont on parlait tout à l'heure. Elle s'appelle Maya Wynn, elle est originaire de Portland dans l'Oregon et c'est une très très belle chanson qui parle eh bien, de la bataille qu'il faut parfois livrer, que certaines femmes ou jeunes femmes doivent parfois livrer avec elles-mêmes pour retrouver en elles eh bien, de la force intérieure suite à une agression sexuelle. Voilà, c'est le thème de cette chanson qui s'appelle Fearless Girl, donc qu'on pourrait traduire par une fille sans peur qui n'a plus peur. Elle s'appelle Maya Wynn, je vous rappelle son nom. On poursuit avec Ulrich Arthurin et Prayer Master. Et puis après cela, nous ferons notre petite capsule BD comme chaque mois. Rendez-vous d'ici quelques minutes. Think that I am about to give in for a ghost? Why should I yield now when I'm brought up to die at my post? Hear me out to what I'm saying. This night is all right for praying. I'm prepared to look death in the eye. To this I'm destined. I'm a soldier not raised up to cry. Hear me out to what I'm saying. This life is all right for praying. Voilà, c'était donc Ulrich Arthurin, ça changeait un peu de ce qu'on a écouté précédemment dans l'émission, avec Prayer Master, 18h pile poil, enfin 18h passé de 38 minutes, capsule BD qui nous emmène aujourd'hui dans le sud de la France, du côté de Marseille, puisqu'il s'agit de la BD Marius, 1930, Marius, beau gosse, seconde son père César dans son établissement, le bar de la marine sur le vieux port. Cependant, tandis qu'il sert des mandarins citron curaçao selon la recette des 4 tiers, pour les apéros c'est bien la recette des 4 tiers, je souscris pleinement, hein. Il regarde avec envie les bateaux en rêvant de s'embarquer sur l'un d'eux et de partir à la découverte des océans et continents lointains. Pendant ce temps, Fanny, la délicieuse vendeuse de coquillages, dont l'étal se situe juste en face de l'estaminet, se languit d'amour pour le jeune homme et rêve de pouvoir l'épouser. Mais, lassée d'attendre, elle décide de faire bouger les choses et de se laisser courtiser par le vieux Panis qui vient de perdre son épouse. Fanny espère ainsi rendre Marius jaloux et le pousser enfin à lui déclarer sa flamme. Saviez-vous que Marius a des ascendants belges? Alors que Marcel Pagnol craignait que la pièce qu'il voulait écrire ne soit trop typée marseillaise et considérée comme de l'amateurisme, il vit jouer le mariage de Mademoiselle Beulemans, qui tournait avec succès depuis 16 ans déjà autour du monde, et pas seulement à Bruxelles, hein, tout autour du monde. Pagnol comprit alors qu'une œuvre locale mais authentique et sincère pouvait aussi avoir sa place dans le patrimoine littéraire et il s'attela à écrire Marius. Pagnol désirait que ses écrits soient adaptés par d'autres après sa mort, afin de ne pas devenir un écrivain poussiéreux de bibliothèque. On peut dire qu'avec cette bande dessinée, son souhait est exaucé, comme ce fut le cas avec le cinéma auparavant. L'idée de départ était ambitieuse, il fallait se distancer du film sorti en 1931, qui a marqué l'imaginaire collectif, tout en respectant l'âme, l'atmosphère et le décor de l'époque. Pour ce faire, un important travail de recherche et de reconstitution historique a été entrepris par les auteurs, permettant de redécouvrir des vues de Marseille et des paysages qui ont changé, voire même disparu pour certains. Comme par exemple le pont transbordeur, l'ascenseur de Notre-Dame ou encore le canal de la Douane. Du coup, le dessinateur Sébastien Maurice avait comme consigne stricte de ne pas dévier d'un iota de la mise en scène établie. Malgré cette contrainte, son dessin sonne juste et la forte prédominance des tons ocre, peut-être un peu trop monochrome, renforce le côté méridional du cadre. Le texte se veut lui aussi fidèle à l'original, puisqu'il résulte de recoupages entre différentes éditions, et les expressions savoureuses ne manquent évidemment pas non plus. Un petit bémol cependant, le désir intense, plus que tout, de Marius de s'embarquer sur un navire ne ressort que trop peu, ce qui fait que le lecteur ne comprend pas pourquoi il résiste à la jolie Fanny dont il est lui-même aussi secrètement amoureux. Mais cette attirance ne transpire pas suffisamment non plus, et on le ressent presque indifférent au charme, au sourire et à la joie de vivre de la jeune femme. Que vous ayez déjà lu Pagnol ou pas, cette adaptation est une agréable introduction à sa fameuse trilogie marseillaise « Marius, Fanny, César ». Non seulement elle répond à la volonté de l'auteur de continuer à vivre à travers ses œuvres, mais le gros travail effectué la rend crédible et donne envie de lire ou relire l'original. À noter en fin d'ouvrage l'ajout d'un petit cahier documentaire décrivant entre autres la relation qu'entretenait Marcel Pagnol avec Marseille ou les travaux préparatoires mis en œuvre pour ce livre. Voilà, très bel ouvrage de Scotto Stoffel et Maurice au dessin. Un ouvrage qui s'appelle donc Marius, adaptation de Marcel Pagnol. C'est sorti chez Grand Angle et il fait une cinquantaine de pages. Je vais vous mettre la conclusion sur notre groupe Facebook. La fiche de lecture en entier sera disponible sur le site internet de Planète Indie. Je vous rappelle l'adresse www.planeteindie.ga. Et puis pour l'heure, eh bien, on poursuit en musique avec le groupe suédois The Search et un morceau intitulé Replacement. Mais ne cherchez pas de remplacement à cette émission Planète Indie, vous n'en trouverez pas, nous sommes uniques, bien entendu. The Search avec Replacement, c'est un groupe qui est un album qui sonne très très années 80. Games, erratic behavior. Paris eternalizing photographs. Sweetheart sharing the thrill of the chase. Push and pull with a novel fascination. Why do you seem more lonely than before? Why do you seem more confused than ever? I may not be as exciting, you see, but I'm here and I care for you. For you. You get your hopes up, and then when you crash, and we're turning into scattered ash. We do too much, and he recoils. Don't you know I'd never flinch from the sight of your moving snow? Come down to the basement, I'll be your cover tonight. Shake off the blues until you finally realize that I love you more than you ever know. Don't you know it for that day? Will you tell me so? probablement un futur power play, c'est ce que je me suis dit en tout cas quand j'ai découvert l'album de cette chanteuse. Elle s'appelle Coco O'Connor, ça fait beaucoup de C et beaucoup de O, Coco O'Connor, When I Was Your World. C'est un titre qui a l'air assez triste, hein. Quand j'étais ton monde, on laisse sous-entendre qu'il y a de la rupture dans l'air. Et puis en parlant de power play, eh bien, nous devons retourner encore une troisième fois aujourd'hui sur l'album Ecolocator de Joy Mills Band. Il est grand temps, 18h13. Alors j'ai dit que tout à l'heure que depuis 2011, Joy Mills s'est lancé avec succès dans l'aventure de ce Joy Mills Band. Ecolocator, sorti aux États-Unis fin janvier 2020, puis sur les marchés internationaux un peu plus tard, en pleine explosion pandémique, est leur cinquième publication, pardon, après notamment Trick of the Eye, sorti en 2012, Cat and Mouse l'année d'après, ou encore le EP Deep Cut de 2015. On va dans quelques secondes découvrir un troisième et dernier extrait pour aujourd'hui. Vous avez déjà certainement maintenant pu vous faire une idée de la qualité acoustique du groupe, qualité combinée au brio des musiciens et à la voix de Joy Mills. Vous avez certainement aussi pu sentir les influences aussi variées allant de Jenny Lewis ou Sharon Van Etten jusqu'à Supertramp ou Police. Les thèmes de prédilection des textes parlent le plus souvent des perspectives en mouvance dans un monde de surstimulation. Ce qui, au final, est important n'est pas l'étiquette sous laquelle on va les ranger, mais c'est avant tout les couleurs qui surgissent dans nos têtes et les émotions qui les accompagnent quand les dernières notes du morceau s'estombent. Et de ce côté, eh bien, le Joy Mills Band s'en sort magnifiquement bien. Voilà, je vous propose donc d'écouter un troisième extrait qui s'intitule « Get Out of Town ». Joy Mills Band, notre powerplay aujourd'hui dans Planète Indie, épisode numéro 427. Powerplay. Powerplay. Days at first, through death and through birth, the years we're counting toward, but none from just before. Our senses tight and keen, the years are sharpening. We used to be so soft, to morph into machines. Get out of town as soon as now. Get out while there's still time to cut loose. Yeah, careful round the lake and everywhere you go. telescope, you'll see the light of future dreams. Each road a written path, the trees on either side. The stars are still our guide in this lonely aftermath. Get out of town as soon as now. Get out while there's still time to cut loose, yeah. I dream of olden times. I dwell inside today. Is it fortunate to die? Sufficient to survive. Hold me now. Voilà, voilà, c'était notre fantastique power play aujourd'hui. Je vous rappelle le nom de ce groupe, de Joy Mills Band, et leur album s'intitule Echolocator. Avant de se quitter, on va encore passer en revue en vitesse le programme de nos partenaires culturels. En ce qui concerne la Rocale, je vous ai parlé de cette série donc de concerts Because Music Matters. Il reste des places pour 2 dates sur les 5, et après cela, il n'y a plus rien de prévu avant le 11 mars. En ce qui concerne la Culture Fabrique, il y a un concert le lundi 15 février, mais il est déjà sold out. C'est le fameux concert de Lambert dont je vous avais déjà parlé, si je me souviens bien. Samedi 20, le Aircheck par Rome. Et puis, il y a du théâtre en résidence le mardi 23 février, du 23 au 25 février 2021. Tout ça, bien entendu, sujet et à surveiller de près suite aux mesures actuelles concernant la pandémie. En ce qui concerne l'abbaye de Neumünster, demain à 11h, il y a le fameux concert jazz par le trio Arthur Possing, mais c'est déjà complet. 14 février, Arthur Possing revient, mais en format quartet, puisque c'est le Arthur Possing Vibes Quartet. Mais c'est complet aussi. 21 février, complet aussi le Paul Bellardis Forced and String. Si vous voulez vraiment aller à Neumünster, eh bien, il vous reste la possibilité du 22 février avec Sand Colors. Tandis que le concert Flesh Love, qui était prévu le 27 février, et quant à lui, reporté. Et alors, il reste encore une date en février, Nomad Volt, le 28 février. Et apparemment, il y a encore des places pour ce concert. Voilà, comme ça, on était tout à fait et complet. On va poursuivre et terminer tout doucement la playlist de ce soir avec tout d'abord Meadow Creek, Like Yours and Mine. Thank you. très très beau morceau aussi du groupe Meadow Creek, Love Like Yours and Mine, un amour un amour comme le tien et le mien. Et ben on va terminer tranquillement en roue libre cet épisode numéro 427 de Planète Indie. J'espère que vous avez apprécié la programmation musicale, les différentes informations qu'on vous a fournies. Je vous invite bien évidemment à nous rejoindre sur notre groupe Facebook. Vous tapez Planète Indie et vous nous rejoignez. Vous pouvez aussi retrouver plein d'informations et notamment la playlist de ce soir ainsi que le podcast de cette émission sur notre site internet www.ilovemusic.ga. Cette émission sera rediffusée demain entre 17h et 18h30 donc sur le même média, donc sur les ondes de RGL. Je vous ai dit donc que le podcast serait disponible dès ce soir. Si vous ne pouvez pas attendre demain, ce dont on se réjouirait. Notre prochain rendez-vous, ce sera le 6 mars. Bah oui, 6 février, 6 mars. C'est mois de février, cette année-ci, un mois de février parfait puisque 4 semaines pleines du lundi au dimanche. Et puis la prochaine émission en français sur les ondes de RGL se tiendra samedi prochain. Entre 17h et 18h30 aussi. On se quitte avec Aitopus, la musique électronique d'ambiance, et un extrait de Deep Variant qui accompagne leur nouvel album. Et j'ai choisi de vous proposer le morceau Viridian Deep. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, portez-vous bien, faites attention à vous et aux autres. Et on se retrouve donc le 6 mars pour l'épisode numéro 428. À bientôt.